Quand vous venez les choses sur le bureau, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à prendre tête qui vient. La situation de l'homme est déprimée ou déprimante. Dans certains détails, parce que l'an 2, 3, 4 ans, moi, j'ai bloqué mon temps. Quand on va être avec vous autres, Hein? Ce que vous allez savoir. On peut plus niaiser, puis se faire niaiser longtemps de même. Se faire niaiser par des égaux, là, qui ont des biens, là, qui tiennent pour d'autres. Ah, c'est très grave. Moi, ce qui me soutient dans mon travail, c'est que je pense pas. Si je pensais, je sacrais tout ça là. Je suis fusionné, je suis arrivé là-dessus. Ça va décourager? On ne peut pas se fier à rien. On ne peut pas se fier à rien. Tu peux rien te fier à eux autres. Par contre, on ne peut pas se fier à eux. C'est grave. C'est les gens les moins avertis qui vont être les premiers à gueuler contre vous autres. C'est vraiment l'histoire de l'homme, c'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais? Puis c'est qu'ils se prennent de l'or Montréal. Vous êtes un petit peu plus résistant que vous autres. Vous autres, vous allez passer. Donc. Moi, mon le travail, il est fait. Bon, ouais, bon, c'est bon, dis-le. Là, vous avez rien d'incroyable, ça fait. Ah, mais tout n'est pas un cadeau, fait que ça c'est dur, ça fait. On dirait que plus t'avances, plus je veux vous donner des mécanismes pour avoir les illusions. Les illusions, les illusions, les illusions. On dirait que je relaxe quand je fais ça. Des personnes qui disent d'un autre, c'est un autre, ben, même moi, je me prends pour un thème, je me prends pour un thème. Mais ça, ça a déjà été dit. C'est toujours de même. C'est normal, c'est la nature humaine. C'est normal. Il faut que vous puissiez comprendre que c'est normal. Il faut que vous puissiez comprendre. Ça va faire vite que c'est une famille. Vous ne pouvez jamais défendre mon point de vue parce que vous ne pouvez pas défendre mon point de vue. Faut que vous décidiez de votre propre vie à vous autres. Vous n'avez rien à défendre. Si vous avez à défendre, vous n'avez absolument rien à défendre. Vous n'avez pas d'énergie à défendre votre point de vue. Ben non, vous allez vous vider. Vous pouvez parler avec du monde, mais les gens ne sont pas capables. Laissez tomber ça comme des patates chaudes. Défendre mon point de vue. Pas point de vue. Je suis un point de vue. Mais mon expérience a été tellement douloureuse, j'ai joué tellement clair,

formeront le gouvernement invisible de la sixième race. Alors, pendant les années, on parlera de la sixième race. On a parlé d'ailleurs avant de la sixième race, mais on n'a pas parlé du gouvernement invisible de la sixième race. Les pères de la sixième race. Les fondateurs de la sixième race. Ils font voir la couronne des fondateurs, ils vont être là. Oui. Vous regardez, c'est des images. Non, ça vient d'en haut. Non, c'est ça que je veux. C'est pas tout, mettons-les dans les affaires des autres. Quand ça vient instantané, ça vient d'en haut. Quand tu cherches, ça vient d'en bas. C'est ça. Ça vient juste de la saisie. Je t'ai montré jusqu'à quel point, quand ça vient d'en haut, tu as un libre accès à des choses. Si tu regardes dans les yeux, tu vas voir quelque chose. C'est ça. Bien dit. Non, mais ça, on dirait que je suis destinée. Pas dans toi, je veux dire. C'est bien. C'est bien, ça vient de tout seul, à être arrêté. Parce que ça vient de tout seul. Non. Parce que tu n'as une très belle intelligence qui a dit. Mais. En fait, vous avez des facultés, et à cause de votre ignorance, vous allez trouver votre liberté. Ça marche, pas ça? Jusqu'à temps que vous sachiez. Attends que ça vienne d'en haut, puis là, ils vont te montrer énormément de choses. Par ça, tu vas pouvoir comprendre beaucoup de choses concernant l'avenir. Donc, avec quelqu'un, ça arrive une couple de fois que M. Lefebvre parlait. C'est ça. D'ailleurs, c'est la faculté de voir... Si j'étais avec toi ici, on jaserait, là. Tu as la faculté de voir tout ce que je te dis. Mais t'as pas le temps, je me dis. On est au cours des mois et des années qu'on va jaser, on va tout décortiquer à patente. Ça, c'est tout décortiquer à patente. Fait que là, ça va ouvrir vos sens, ça va ouvrir vos sens, ça va ouvrir vos sens. Dans la magie noire, c'est lui qui domine la force, puis dans la magie blanche, lui est un canal de la force. Ça vaut-tu la différence? Dans la magie noire, l'ego veut contrôler la force. Là, je vois un homme noir. Wow. Okay. C'est ça. C'est tout moi. C'est ça. Dans la blanche, l'ego est un canard. C'est le bonheur. C'est ça, il est grand. Quand je dis que la sixième race, éventuellement, se retournera vers la magie noire. Regarde. Oui, je vois ça. Regarde dans 800 ans, tu sais. Très beau. Je vois des temps, ça veut dire que c'est un peu difficile. Très beau, c'est trop beau. C'est pour ça que je vois ça. Mais pas parce que c'est trop beau. Je vois le gouvernement invisible, ça se passe. Je vois la centrale, puis je vois des. Ils sont entourés de panneaux verts. Ah. C'est là, transférant les gens qui travaillent avec tellement de. Regarde quand je dis que les gens de la Terre devront contrôler l'espace, l'atmosphère terrestre contre les évasions extérieures. Je vois ça longtemps. que j'ai vécu sa vie. Les gens qui restent, là, c'est son conscience de bien discerner le bien du mal, là, par les éducations de notre vie. Je vois que les éducateurs, les grands êtres, là, qui arrivent à faire ça, les grands êtres du Bouddha, viennent chercher les gens. Avec eux pour les informer, les inscrire, du coup, là, ils viendra. Il faut préparer la qui viendra. C'est là. La vraie jouette. Ça, ça fait partie de ton intelligence créative. Avouez ce que vous. Moi, elle prend l'énergie que fait la femme. C'est quoi qui envoie la femme? Non. Je vois même la femme qui arrive, que tout que qui a été brûlée, qui a tourné en dessous, qui a la couronne à l'endroit. Et je pense que les gens là, sont ceux qui ont su développer la volonté de la force là, pour combattre ça, là. Les gens qui ont su passer comme ça, ils ont oublié leur corps, ceux qui restent, ils ont pris leur corps. C'est tellement arrivé depuis le jour, il y a plus rien qui dit évident. Là, c'est là que je vois la couronne, que les gens, les vaisseaux, les grands et les êtres, puis il fuit devant le vent. Il y a un grand vent. Et là, il y a un panneau vitré là, avec ça, des petits forêts dedans. Ça peut être assez. Ce que je vois, ce sont les êtres, les grands êtres spirituels de l'univers. Que quand le grand vent va se dire qu'eux, il faut qu'il y ait quand même une protection pour le tout, c'est supposé d'arriver. Ils se sont retirés. Vous avez dit, c'est en rapport avec faire, c'est que il y aura des gens parmi vous autres qui vous serviront. Qui vous serviront à vous faire passer à travers cette période difficile. Là. Ces gens-là, vous les connaîtrez. Et

Sans ce frépit-là, là, j'ai un mot du bon sens. On va avoir la délicatie à ce soir. Il y en a qui veulent parler. Anticipez pas. Essayez pas de comprendre l'avenir. Anticipez pas. Tenez, blague, du coup. Est-ce qu'ils vont vous accrocher là-dedans? Ça, je lui dis, t'as déjà fait comme si vous n'alliez pas rencontrer. Ah, c'est drôle, là. Quand tu rencontres une autre fille, tu penses. Quand deux bons guerriers se racontent, ça me donne des bonnes à compter. Ah, c'est là. C'est un grand ami pour vous autres. Je ne parle pas parce que c'était une autre sorte de grand ami pour vous autres. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas comment est-ce que vous... Je ne peux pas imaginer vos vies, comment est-ce que vous vivez vos vies dans cette expérience-là. Mais je peux m'imaginer que ça doit être intéressant. Je sais pas comment. Ça doit être comme un gros party. Parce que c'est pas une association, c'est pas une école, c'est pas une religion, c'est pas un groupe. C'est rien que des hommes qui sont sans même longueur. C'est pas être accroché. C'est pas être accroché. Mais moi, j'aime la recevoir, mais je j'aime ça. Écoutez par lui. Parce qu'on va aller. Vous préférez, hein? Non. Je sais. C'est vibratoire. Comme quand tu me parles, tu me parles. Je comprends pas ce que tu me dis. Je peux pas être content. Hein? Je peux pas aller, ben, tu me parles. Non, mais... quand vous me parlez, là, vous me demandez des questions, je comprends rien. Je vous réponds. Je comprends rien. J'ai pas de mémoire. Il y a rien. Là. Ça part, ça part. Là, c'est le fun. C'est ça que j'aime ça. Ça il est là, c'est lui. Puis je m'en... Après ça, je sais plus de lui. Ouais. Mais ce que je suis, regarde, là, tranquille, c'est ça. Ouais. C'est tout vibratoire. Moi, je suis assez sans dessin, j'en suis... Ben oui, si je dis à tout le monde de son voisin, il me dit que je suis sans dessin. Ouais. Mais moi, si je dis que je suis sans dessin, Faites attention à votre intellect. Rationalisme. C'est rationalisé. Faites attention à ça, c'est mortel. Et Martel, quand vous charriez ça, rationalisez pas. Surtout vous, c'est manteau bleu. Chauffeur de tout de suite. Vous n'avez d'intelligence, vous n'avez en masse d'intelligence. Non, mais je vais arrêter de rationaliser. Ah, vous allez arrêter de rationaliser au fur et à mesure que votre commentaire va se développer. Vous n'avez à rendre déjà, vous savez plus. Pas d'éducation, pas d'éducation. L'humanité n'a pas encore ce qu'on appelle le droit d'aîné. Une race, quand une race a le droit d'aîné, elle ne peut plus perdre son énergie. Elle monte. Et tant qu'une race n'est pas arrivée à un certain niveau d'évolution, qui viendra avec la septième race de l'âme, elle n'a pas son droit d'aîné. L'humanité aura le droit d'aîné avec la septième race. Est-ce que la septième race va être la dernière race? Ah. Autrement dit, ça serait qu'il y avait plus une huitième race, mais une race qui vient sur les choses. Autrement dit, tout ce qu'on va gagner en sixième race, pour être dévoutien, à un moment donné, ça va plus, on va perdre. C'est-à-dire qu'il y a des hommes dans la sixième race qui vont retourner à la machine. Donc, ces gens-là vont évoluer, ils vont perdre ce qu'ils avaient acquis comme les. Ils vont se diviser les autres, ils vont se séparer. C'est pour ça qu'ils vont avoir un sanctif encore. C'est pour ça qu'il y a même des sanctifs. Parce que l'humanité n'a pas besoin d'aîné. Parce que lorsque l'humanité a besoin d'aîné, il dit oui, ça va être plus. Ça monte. Si tu passes ton bon travers, tu vas mourir. Ils vont évoluer sur d'autres planètes. On est ici, il y en a qui vont s'incarner à lui-même pour continuer le cheminement d'évolution. Ça dépend de leur évolution spirituelle. Parce que durant le cycle qui vient, là, il va y avoir un grand contrôle sur les incarnations sur la Terre pour retarder. L'évolution de la planète. C'est pour ça que beaucoup d'individus vont être envoyés sur d'autres planètes pour retarder l'évolution.